L'agonie, livre 3, chapitre 15. Les premiers échappés du camp, ils avaient été rejoints par d'autres bandes. Et, sous de leur liberté soudaine, ils n'en gardaient que plus d'exaspération contre le monde officiel qui les dominait, contre leur propre chef, contre les patriciens, contre les opulents citoyens, contre les parasites, eux qui vivaient de discipline et de privation, eux qui, nés en des régions éloignées auxquelles l'Empire les arracha, restaient comme des barbares au milieu de cette Rome longtemps convoitée de leurs yeux torves de soldats, mal repus et toujours insatisfaits. Et leur sang de tueur d'hommes se réveillant, ils massacrèrent à coups de glaive, à coups de pique et à coups de flèche des eunuques qui se sauvaient, des femmes qui les imploraient, même les chevaux blancs de l'attelage des Lagabalus qui piaffaient là, et bientôt les jardins furent emplis de lamentations sous ce soleil roux, mangeant les végétations d'une indélébile rouille d'or. Mais Antiochanus et Aristomachès survenaient, suivis d'officiers et de cataphractaires ramassés en route qui s'étaient refusés à la révolte. Ils les frappaient à leur tour, terriblement. Des corps essaimaient les marches du prostyle, du sang baignait de larges mares le sol, des cervelles éclaboussaient l'air, des têtes tombées, les yeux ouverts sur une nuit en eux se faisant. Enfin, le palais put être dégagé. Les jardins lentement se vidèrent. Antiochanus, Aristomachès et les officiers rentrèrent, glorieux, ensanglantés, la cuirasse bosselée, le casque de travers, confiant leurs chevaux à des prétoriens qui eurent encore le temps d'accabler de coups quelques fuyards. Dans la même salle qui avait vu l'orgie de la nuit, Elagabalus serrait nerveusement le fameux lacet de soie, le poignard d'or et le coffret exquis de poison, ne voulant pas mourir, comme toujours, sous des mains grossières de soldats. Il le voulut remettre à leur tête pour repousser lui-même la révolte, mais irrésolu à l'action, quoique résolu à la mort. Il remua la tête, ne voulut pas. Il prononça le nom d'Attilius. Attilia, là encore, avec Sémias. Les Chrysaspides sont partis pour le ramener, le sauver des révoltés et de la foule, s'ils le veulent frapper. Antiochanus s'irrita. Non, nous ne laisserons pas Attilius, qui t'a déjà sauvé, divinité, à la merci de la révolte, car les Chrysaspides ne sont pas assez nombreux pour l'arracher à la mort. De nouveaux assaillants envahissaient les jardins. Si nombreux qu'Antiochanus força tous les familiers, les hommes de joie, les parasites, les gardiens de bêtes, les auriges, les mages, même les bouffons, à défendre l'Empire, avec les prétoriens de la vieille espérance qui accoururent, le bouclier haut, le coude en arrière, la pique allongée. Il disposa ces derniers en bataille, du prostyle au large des jardins. Des astères en tête, avec de longues javelines, précédées de quelques vélites jetées en avant, qui coururent sur les révoltés pour se retirer dans les intervalles. Et, derrière eux, des principes ouvrant leurs rangs à des cataphractaires qui attendaient de s'élancer sur les soldats dès l'indécision d'une déroute et pour les achever. En triangle, appuyés au palais, ils marchèrent, frappant à droite et à gauche, sur des masses indisciplinées, bientôt trouées de mort, poussant devant eux, pour se garantir, les eunuques, les bouffons, les familiers, les parasites, les auriges, les gardiens de bêtes, les hommes de joie et les mages, qui se laissèrent tranquillement égorger, la barbe toujours droite sur leur poitrine cramoisie. Et, coupant les déchirements des tubas, des cors et des buccins qui ne cessaient pas, Les flèches rebondirent sur les boucliers. Les hastes volèrent, rentrèrent dans des chairs. Les javelots sifflèrent en se plantant dans le sol où leurs pointes retombaient, toutes vibrantes. Enfin, les révoltés se lassant, le triangle s'ouvrit et la cavalerie se rua sur les soldats qui se reformaient quelquefois derrière elle en un effort désespéré de combat. Cependant, des soldats coulaient encore par une brèche des murailles. Tout le camp des prétoriens semblait se vomir là. Antiocanus se dit que mieux valait boucher cette invasion énorme de soldats en envoyant Aristomachès au camp pour le contenir. Celui-ci piqua, et l'on ne vit plus de lui que son chlamys rouge qui disparut en un éclair et dans des clameurs. Par une brèche, irruptèrent des gens du peuple, des armées. Les légionnaires leur tirèrent des flèches et des javelots. Quelques-uns tombèrent. Ils s'avancèrent toujours, comme si un désir de se faire tuer là, sans se défendre, les eût pris tout à coup. Bien vite, ils se trouvèrent face à face de la petite armée d'Antiocanus, sans souci du sang ou leurs pieds trempés et des coups qu'on leur donnait. Là-bas, des révoltés attendaient d'être plus nombreux pour un nouvel assaut qui ne pouvait tarder, car ils s'accroissaient de minute en minute de manipules débandées. Tuez-les ! Cria Antiocanus en désignant les pacifiques arrivants. Mais une voix lui parvint qui le troubla, l'ayant entendu jadis. « Nous venons pour sauver Antoninus, nous sommes avec Christos !» C'était Zal, Gaël, les chrétiens orientaux, accourus au secours de l'Empire, pour le salut même de l'agneau. Et Zal ajouta, tristement et résolument à la fois, « Nous défendons l'empereur, parce que l'empereur a admis Christos, et qu'avec lui Christos peut être glorifié. À mort Rome, au feu, à la boue, aux excréments la ville qui se prostitue. Qu'importe le maître terrestre qui la jugule, pourvu qu'elle baigne dans le sang et le péché, d'où la grâce de Christos un jour naîtra. » Et les chrétiens se serrèrent autour du prostyle. Comme ils paraissaient d'armes dépourvues, Antiocanus, qui ne comprit rien aux paroles de Zal, voulut leur en distribuer. « Ils n'en veulent point !» s'exclama Zal, dont la face d'illuminée, à la barbe courte d'un brun fin et aux pénétrants yeux noirs, s'éclaira. « Ils ne veulent pas verser le sang de l'homme, même impur !» D'ailleurs, ils sont armés, mais pour se défendre, non pour attaquer. Sur l'horizon, au-dessus des végétations recouvrant des surfaces de lacs, maintenant pleins de sang, une haute litière se balançait. Et des casques luisaient, des piques vibraient à l'air, des têtes de chevaux recouvertes d'écailles s'avançaient. Mésa venait du camp, ayant appris le danger que couraient Télégabalus et Sémias par Aristomachès, qui l'avait supplié d'accourir, pour imposer sa vieille autorité sur ses férocités de soldats grisés de massacre. Émue, elle venait s'exposer aux révoltés de la vieille espérance, les apaiser, faire cesser cette lutte fratricide pour que l'empereur ne tentât rien contre le César, que celui-ci subit celui-là. Il y eut de grands frémissements. Antiocanus espéra. Les soldats se détendirent. Et l'aïeul, lentement, en un langage d'ardente mysticité, parla de ses filles, des enfants, divins tous deux, au monde venu au milieu des présages qui les désignèrent à l'Empire. Montra Rome par eux dominant l'univers et, pour davantage prouver sa vieille maternité, debout sur la litière, écrasant sous des étoffes rouges et or les épaules des prétoriens qui la portaient, elle releva sa stola et frappa sur son ventre ridé, nu. Alors, Il y eut un départ lent de soldats désagrégés, ne se sentant plus appuyés, pendant qu'Antiocanus rappelait à quelques-uns leur serment à l'Empire, qu'il en rudoyait d'autres pour leur indiscipline, toujours vaillante et brutale, et que les prétoriens repoussaient lentement les rebelles qui, pour se venger, lâchement, tirèrent encore des flèches de très loin. À ce moment, les prêtres du soleil s'échappèrent de l'édicule. Ils les tuèrent tous avant qu'on les pût secourir. Les cadavres pantelèrent sur le sol au pied de l'édicule qui s'ensanglanta. Des cuisses nues apparurent et des chairs, comme maladives, verdies tout à coup, en bloc sur l'herbe, à côté de mitras jaunes dont les pierreries étincelèrent, rouges et violettes. Les chrétiens s'en allaient, croyant tout apaisé. À l'entrée des jardins, des femmes attendaient, des visages amis les épiaient, des phrases d'amour volées. Quelques chrétiens, tout à l'heure frappés, s'avançaient, fraternellement appuyés sur d'autres qui les consolaient pour la gloire de Christos. Mais le mot de chrétien fut prononcé. Les soldats qui n'avaient pu saccager le palais et tuer Elagabalus se rattrapèrent alors sur eux. Gaël eut l'épaule fendue par un tranchant de glaive. Quelques-uns furent assommés. Mais les soldats furent pourchassés à leur tour par les cataphractaires quand Antiocanus emmenait aux carènes prêter aide aux chrysaspides partis pour secourir Attilius. Cependant, dans les rues, il y eut encore un combat. Les sagittaires arabes et les frondeurs achéens se joignirent aux révoltés, accablant de traits et de balles d'argile les cataphractaires qui les dispersèrent, très beaux sur leurs montures luisantes dont les hennissements sourlaient frénétiquement au tumulte, pendant que des citoyens se sauvaient, plus ennemis maintenant de la sauvagerie des combattants que des ignominies de l'Agabalus. Comme Zal voyait venir à lui Sévéra, inquiète et pâle, Sévéra qu'il croyait encore dans l'atelier hospitalier de Gaël, une flèche se planta juste sous son cœur, près du sachet où, depuis si longtemps, il gardait les fleurs de la patricienne. Tranquille et à demi souriant, il arracha l'arme. D'effroi, Sévéra le soutenait et ne lui parlait pas. Gaël s'en allait au bras de Cordula, la prostituée campanienne, qui, miséricordieusement, avait deviné, par farouche prescience féminine, que là où Elagabalus souffrirait, le potier syrien serait. La foule s'écartait, ni sympathique ni mauvaise. Dans leur fuite, les soldats lançaient des javelots à des fenêtres et tuaient à distance, avec de gros rires, les Romains qu'ils rencontraient. Des trompettes lamentables sonnaient. Une nouvelle rumeur montait des carènes. Et, sur une hauteur de voix que Zal et Sévéra ne reconnaissaient plus, tant l'un perdait l'âme avec sa blessure, tant l'autre en restait troublé, une tête vacillait au bout d'une pique énorme. Et, nimbée, rouge, la barbe sanguinolente, elle ressemblait, dans ce jour atroce, un deuxième soleil glaireux, entouré de nues balancées. Zal et Sévéra ne virent pas que c'était la tête de Maglo décollée le matin.